Cette intersection, réglée par des feux, est particulière. En effet, il n'y a aucune rue à droite. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ces feux ne marchent pas normalement. En cas de dysfonctionnement des feux tricolores, je dois tenir compte du panneau de priorité fixé sur le même support que ceux-ci. Ici, il s'agit d'une priorité ponctuelle, c'est-à-dire qui ne s'applique qu'à cette intersection. Je ralentis et je passe. Réponse A.